Le fantôme de ta voix, comme un cheval de Troie, ou même un éléphant, tant et tant je l'entends, hantera tant mes nuits, de ses ruses infinies, auriculaires caresses, labyrinthique adresse. Et nous ta laisse, éléphant home, éléphant home, lâche là tes mots, libère les cornes des animaux et les vivants. Le fantôme de ta vie commande ma folie. Où mène-t-elle enfin tentaculaire main? Entends-tu-t-elle ta voix descendre infirme en moi, au risque qu'elle nous blesse là-bas où elle nous laisse? Dis-nous ta laisse, éléphant home, éléphant home, éléphant home, lâche-la tes mots, libère les cornes des animaux, et les vivants, et les fantômes. Le fantôme de tes vivres, commissure de tes livres, où mêle d'âpres rations, tant pensées sans passion. Entrées sont dérisoires, des silences sont rasoirs, horribles lames épaisses, larvez-vous en finesse. Lâche-la tes mots, libère les corps des animaux et les vivants. Et les vivants.